Je propose qu'on regarde tout de suite l'extrait de Monique, LIP 1, qui est la première bande tournée par Carole Rousseau-Poulos, donc à LIP, le 15 août 1973. C'est véritablement donc le surgissement de la prise de parole de Monique Python. Je signale que c'est vraiment devant la caméra, je dirais par ce médium caméra, que s'opère la rencontre entre Carole Rousseau-Poulos et Monique Python, qui deviendra l'une de ses amies. Et on reviendra là-dessus après aussi sur justement la constitution, l'émergence d'une personnalité qui, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment pris la parole. Et elle nous a transmis un petit texte autour de cela que je lirai très très brièvement après. On voit le plus souvent, je me sens combien tu as d'amis qui participent aussi activement que toi. Je ne comprends pas, mais les femmes, j'ai des copines. Ouais, ben les femmes, justement, on n'en parle pas d'assez. On dit toujours les travailleurs, moi j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs, les travailleuses. Parce que chez lui, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je ne compte pas, hein. Bon, alors je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est même beaucoup, aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme je peux le nommer, effectivement, qui est un homme. Mais les femmes participent dans toutes les commissions, les femmes font un très bon travail. Des meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des lettres ou des traces à taper, c'est souvent les femmes, donc elles participent, et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. C'est essentiel. Comment vous êtes organisée pour être avec les enfants et tout ça? Eh bien, moi, je n'ai pas d'enfants, mais je me demande comment font ceux qui ont des enfants. Donc, ça va aller parce que chez moi, c'est épouvantable en ce moment. Il y a du bazar partout. Avant, j'étais une femme très organisée, très soignée. Et j'aimerais qu'on voit l'appartement, il est dévasté. On ne peut pas faire autrement. Il y a des jours où on va tout, des traits partout, on essaie de classer, on n'a pas le temps, on court, on suit, on vient là. On n'a pas le temps de finir les vaisselles, on se lave un chemisier en vitesse, une robe pour pouvoir remettre le lendemain. Je ne suis jamais à jour, quoi. Mais plusieurs, vous avez critiqué très fort et la radio et la télévision qui donnaient une information, vous estimiez fausse. Oui. Bon, dans quel but cette information est-elle fausse selon vous? Déjà, tout au long de la lutte, on a remarqué que la télévision tronquait les déclarations des ouvriers. Je sais pas vous dire, par exemple, pour faire croire à autre chose, voilà. Dans quel intérêt? Pour minimiser peut-être. Et déjà au début, par exemple, je vous donne un petit exemple. Un jour, il y avait une fille qui était questionnée et qui disait, on lui posait la question, êtes-vous fatiguée? Alors elle a répondu, oh oui, ça commence à faire. Mais pour une lutte pareille, je crois que ça vaut la peine. Voilà ce qu'elle a dit. Et à la télévision, on a fait penser, oh oui, ça commence à faire. Terminé. Oui, oui. Alors ça veut dire quoi? Qu'elle était découragée? C'est pas vrai. Il n'avait pas découragé, elle est toujours là. C'est une fille très courageuse, on la voit partout. Elle va dans les voyages, elle a travaillé pour le Larzac. C'est une fille sensationnelle. Et on a fait passer à la télévision un truc. Oh oui, il y en a marre. Eh bien non, elle n'en est pas marre. La fatigue. Elle n'est pas marre de la lutte. La fatigue, oui. Mais le découragement, oui. Jamais. Voilà, exactement. Elle était peut-être fatiguée ce jour-là, mais elle n'a rien dit, mais ça vaut la peine. Et ça, on ne l'a pas fait passer, cette phrase-là. Et ça, c'est une petite chose parmi tant d'autres. On trompe, on coupe les phrases, et ça ne ressemble plus à ce que ça veut dire. Voilà. Alors déjà ça, on essaye de minimiser, de nous faire croire pour qu'on est fatigué. Voilà, 3 mois qu'on essaye de ne pas croire qu'on est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a l'air fatigué? Ben, on est tous. C'est ce qu'on vit sur nous-mêmes, on peut tenir encore pas longtemps, puis on sait se dégager de temps en temps une journée, deux journées, parce qu'il y a les autres qui sont là, et on travaille par tout le monde, de façon à revenir. C'est peut-être un moyen de se recharger. Oui, il y a la fête ce soir, mais la fête, je crois qu'elle va être parfumée. Il y a un dron. De toute façon, ils embaument tout le quartier, alors on se mettra des mouchoirs mouillés sur la figure, et puis on continuera. On pense qu'ils chargeront ce soir et puis qu'ils arriveront ici probablement. J'ai invité du monde, des amis, de la famille pour venir à la fin.